Et si je faisais destituer? Dit le baron millionnaire en riant. L'autre baron, anti-millionnaire, devint soucieux. Rassurez-vous, je ne vous ai fait l'objection que pour vous faire apercevoir que j'ai quelque mérite à vous donner la somme. Vous êtes donc bien chaîné, car la banque a votre signature. Je marie ma fille, dit le baron, et je suis sans fortune, comme tous ceux qui continuent à faire de l'administration par une ingrate époque où jamais 500 bourgeois assis sur des banquettes ne sauront récompenser largement les gens dévoués comme le faisait l'empereur. « Allons, vous savez, Josepha, reprit le père de France, ce qui explique tout. Entre nous, la tuque des Rouffils vous a rendu un fier service en vous ôtant cette sangsue-là de dessous votre pierce. Je connais ce malheur et je sais compatir, ajouta-t-il en croyant réciter un vers français. Écoutez à une gonzelle d'amis. Fermez votre boutique ou vous serez dégommé. » Cette véreuse affaire se fit par l'entreprise d'un petit usurier nommé Vauvinet, un de ces faiseurs qui se tiennent en avant des grosses maisons de banque, comme ce petit poisson qui semble être le valet du requin. Cet apprenti loup-cervier promit à monsieur le baron Hulot, tant il était jaloux de se concilier la protection de ce grand personnage, de lui négocier 30 000 francs de lettres de change à 90 jours, en s'engageant à les renouveler 4 fois et à ne pas les mettre en circulation. Le successeur de Fischer devait donner 40 000 francs pour obtenir cette maison, mais avec la promesse de la fourniture des fourrages dans un département voisin de Paris.